Parapluie n'est pas à l'abri d'accusations sans preuve à l'appui, n'ayant pas la paix, en passant son temps à rapper sans être rémunéré, lâche son numéro pour ne pas l'appeler. Après tout, il s'en moque, vautrer dans son canapé. De la France, on manque, mais voter n'est pas la clé d'un bonheur retrouvé. Premier par sera crevé, bien trop vu, blabla tant sans jamais rien prouver dans leur entrevue. Il aura sûrement un succès dans une autre vie, pour l'instant il est déjà content d'être en vie. M'aimerait faire partie d'histoire de pompage où les biages vont jusqu'à perdre leur plombage, tout en sirotant des 10 ans d'âge, de mise à l'envers façon militarienne. Pour s'en trouver l'amour, jour où Miss Univers ne sera pas une terrienne. Je veux exister mais pas trop cher, voir mes phases ricochées, s'embrouler dans la mer en facochère ou la frappinochée. Aborder mon royaume contre un peu de chambre, et qu'on passage ça peut rendre un peu de chambre. Mais je vous en prie, venez couler votre bronze à la maison, n'en coûte une pièce à l'adhésion. Pour que madame pipi achète le dernier du nucléaire, le rap n'est pas mort mais a vieilli, ça veut bien croire. À 40 ans, fait les sorties d'école du racket, à part entière on l'appréhende à un gosse la pète. Non, reste-t-il qu'un vieux fond de bière qui s'épuise en passant les frontières. Un petit effronté, donc faut affronter, peu à peu s'effriter. Mais je me suis frotté, grisé, l'entend mes os brisés. Je croyais maîtriser, je réalise que c'est aléatoire. Si le rap est une pute, eh bien, allez la voir. Tout ce que je veux, c'est exister, voir mon nom résister sans être cité. Tant d'atrocités, peu de rôtidés, beaucoup trop vidés. Esprit d'éviter, quitter pas l'équité et toute confiance dans ses qualités. Je ne veux pas faire partie de la meute, donc pourquoi pas les meutes. J'ai pas fait en masse et les jeunes en meute. Brisons tous les mythes, guitare, ramasser les miettes et les mènes. C'est le même binôme, tandem, thème, T-A-T-A-M, P-L, 2-C-N, pilote, bonne élève, binôme, 2-H, P-U, love. On s'élève, notre sérum de la tête soulève un cocktail, c'est humain, de love sans monnaie. C'est notre manie quand on prend le chrome et les nanomanies. Te les donne sans contrepartie, c'est tout bon concert concret. T'as du texte, on sert, on teste, on prend le micro qu'on gère. C'est pas gros, je dis pas qu'on gère, on sert. Mal et protège ton siège, bouge mec et protège ton sexe. Ha ha ha ha ha ho, c'est Splinet Adam, 2-H-P.